connaissez? Vous le connaissez, ça? Non. Des quatre vallées, non, pas encore celui-là. Non, j'ai vu un peu les livres d'Yves Morel. Jean-Louis Plandevin se comporta en véritable capitaine d'industrie en partant de rien. Il parvint à construire un riche patrimoine en œuvrant dans le textile. Monsieur Henri Plandevin, qui reste à Prades, il a dit, ben, de père en fils, nous avons fait tourner l'usine de Verrières 150 ans, à partir de Jean-Louis Plandevin. Et donc vous, quand vous aviez travaillé, le patron, c'était quel? Et quand je suis rentré, c'était monsieur Jean Plandevin. Le père d'Henri. Oui. Et monsieur Henri, qui était au mois d'avril 63, monsieur Jean, m'a dit comme ça, je vous embaucherai, mais il faut attendre que monsieur Henri il est en voyage d'affaires, et quand il rentrera, je vous ferai dire quelque chose. Et en effet, il m'a fait dire quelque chose, il m'a dit, vous rentrez le 6 mai. Et puis c'est terminé, je suis rentré le 6 mai à 7 heures. C'est un souvenir joyeux quand vous en parlez, là, vous avez le sourire. Ah, bien sûr, oui. Oui, vous étiez content d'avoir la place. Ah, bien sûr, parce qu'il fallait bien gagner sa vie, quoi. Et quand je suis rentré, il faisait un bâtiment, là, le long de la grande salle, là, que c'est couvert en toile marron. Il était fait pour quoi, ce bâtiment? À une époque, c'était pour stocker du fil, le fil qui recevait, le fil qui partait. D'un côté, du côté du pré, c'était ceux qui rentraient. D'autre bout de la salle, que c'est... Il y a une marche comme ça pour descendre dans la salle. C'était un travail très physique? Ce n'était pas de tout repos, mais en fait, on le faisait de 25 kg de carton maximum. Mais la majeure partie, c'était dans les machines. Il y était trois par équipe. S'il y a un coup de bois pour décharger un camion, ils en prenaient un sur l'équipe. Et c'est arrivé que c'était moi qui allais. Et comme tout le monde, des fois, tantôt moi, tantôt les autres. Donc ça tournait pour décharger les camions, c'était pas des ouvriers qui étaient toujours au déchargement des camions? Si, il y en avait quelques-uns, mais des fois ils envoyaient un renfort. Parce que quand ils arrivaient un camion remorque plein, qu'il fallait le décharger et recharger l'autre pour partir quand ils étaient vides de recharger, mais il y en avait pour au moins. Surtout qu'il n'y avait pas les fins week, puis après quand il y avait les fins week, c'était toute la palette. Mais... C'était quoi, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les jours? Il y a des fois, il y avait deux camions le même jour, des fois de 3 jours il y en avait point, puis il y en avait un autre, ainsi de suite, c'était pas régulier. Il y en a une autre. Parle un peu des Allemands qui venaient charger le camion allemand. France. Oui. C'était France. France. Non, une entreprise allemande venait chercher de la soie ici, enfin des bobines. Des bobines. Et le gars, il faisait 3 voyages par semaine à cette époque-là. Ouais. Mais attention, il fallait voir comment ça fonctionnait avec l'Allemagne. Mais le problème qu'il y a eu après, c'est que quand il y a eu la Chine, quand c'est bien développé, oui, l'Allemagne, elle a ralenti. Et c'est là que ça a commencé à avoir des problèmes. Le déclin.